Bismillahirrahmanirrahim. Donc après cette interruption de quelques jours, nous allons poursuivre, Inch'Allah, notre lecture de ce livre qui est Kenz al-Atfal, donc Kitab al-Fiqh, le livre de la jurisprudence. Et nous allons rentrer aujourd'hui dans Bab al-Zakah, toucher la Zakah qui est le quatrième pilier de notre religion. Al-Zakah. Ce qui se traduit par l'aumône légal. فقال المؤلف حفظه الله تعالى في السؤال الرابع والعشرين وتسعمائة اذكر مصاريف الزكاة. Donc cite dans quoi la zakat peut-être elle déposée, à qui revient-elle en fait, à qui revient-elle. Donc elles sont les zakawat sont attribuées à 8 sortes de personnes citées dans le verset d'Allah Azza wa Jal. قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Que Allah a dit que les aumônes, c'est-à-dire les zakawat, ne sont que pour les pauvres, les indigents et ceux qui œuvrent pour la ramasser, c'est-à-dire cette zakawat, ceux dont les cœurs sont à gagner parmi les faibles, ainsi que dans l'affranchissement des jougs, c'est-à-dire les belles esclaves, ainsi que ceux qui sont lourdement endettés, ainsi que sur le sortir d'Allah Azza wa Jal. Et cela est une obligation d'Allah, et Allah est omniscient et parfaitement sage. At-Tawbah, le repentir, verset 60. Voilà pour qui ces zakawat sont attribués. ثم قال في السؤال الخامس وعشرين بعد تسعمية 925 question. من هو المسكين الحقيقي? Qui est le pauvre? Alors celui qui est réellement pauvre, méritant cette zakat. C'est والذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفتن له فيتصدق عليه ولا يقوم يسأل الناس. Donc ils disent, c'est qui le vrai pauvre? C'est celui qui ne trouve pas de quoi combler ses besoins. Et que personne ne se tourne vers lui afin de donner un aumône. C'est-à-dire lorsque les gens le voient, ils ne s'imaginent pas qu'il mérite ou qu'il a besoin. Et car cet homme-là ne demande pas aux gens, il ne se lève pas pour mendier. Il dit voici le vrai pauvre. Et le dalil, c'est le hadith d'Abu Huraira, an Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qala alaysa al-miskin bi hadha at-tawwaf alladhi yatufu 'ala an-nas fataruddu al-luqma wal-luqmatan wal-tamra wal-tamratan. Qalu fama al-miskin ya Rasulullah? Qala alladhi la yajidu ghina yughnihi wa la yuftanu lahu fi yatasaddaq 'alayhi wa la yas'alu an-nas shay'a. Muttafaqun 'alayhi. Donc le hadith d'Abu Huraira, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a bien dit, comme nous venons de citer la part de l'auteur, que le pauvre n'est pas celui que vous voyez qui tourne autour de vous, c'est-à-dire pour mendier, et à qui on donne une bouchée ou deux bouchées, ou une date ou deux dates, et il s'en va. Il dit, mais qui est alors le pauvre au messager d'Allah? Il dit, celui qui ne trouve pas de quoi combler ses besoins, et à qui on ne pense pas lorsqu'on le voit, pour lui donner l'aumône, car il ne demande rien aux gens. Le hadith mutafaqun alayhi. Donc bien, souvent les gens voient des gens en apparence, les pensent être à l'aise ou ce genre de choses parce qu'ils se contentent, parce qu'ils ne demandent rien à personne, d'accord, et qu'ils ont une apparence autant aussi correcte que possible, et les gens s'imaginent que cet homme-là n'est pas dans le besoin alors qu'il est dans le besoin. Ça, moi, ne le dit pas, ça ne se voit pas. Avam. Naam. ثم قال في السؤال السادس وعشرين بعد تسعمية 926e question. Est-ce qu'il est permis de sortir la zakat pour les gens de la maison prophétique, la femme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Cela n'est pas permis. Et le dalil, c'est le hadith de Abdul Muttalib ibn al-Arbiya ibn al-Harith. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à propos de la zakat, cette sadaqa n'est permise ni pour Mohammed ni pour sa famille. Les gens de sa famille, rapportés par musulmans. ثم قال, toujours lié à cette question-là des gens de la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, في السؤال 28 بعد 900 928 question. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للحسن رضي الله عنه عندما أكل من تمر الصدقة؟ Qu'est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit à Al-Hassan, son petit-fils, lorsque celui-ci a mangé une date provenant de la zakat? قال له كاخن كاخن ارمي بها. Il lui a dit Karim, Karim. Karim, c'est un mot en arabe pour, on va dire un peu, dégoûter un enfant d'une chose qui ne lui revient pas. Déjà, j'ai vu des traductions des fois qui étaient vraiment déplorables par rapport à ce mot-là. D'accord ? On va s'abstenir de les citer ici. Quoi qu'il en soit, c'est une chose qu'on dit à un enfant pour qu'il délaisse une chose. Pour lui faire comprendre que la chose elle n'est pas bonne, elle ne lui revient pas. Donc, c'est ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit à Al-Hassan dans le hadith d'Abu Huraira, lorsque celui-ci avait pris une date. Il lui a dit cela. D'accord ? Il lui a dit, dans le sens, comme on dirait, délaisse cela, d'accord, pour qu'il la pose. Il a dit, n'as-tu pas su que cette aumône ne nous est pas permise, c'est-à-dire cette sadaqa, cette zakat ne nous est pas permise. Et le hadith, il est mutafakun alayh. Thumma qala fi suwar al-tasi'a'ishin bar 900 929e question. Ma yal hayawanat allati fiha zakat. Donc maintenant, il rentre dans les choses desquelles on sort la zakat. Quelles sont-elles? En premier lieu, les animaux. Quels sont ces animaux? Il s'agit de Al-Ibil, tout ce qui est chameau, ou Al-Bakar, tout ce qui est bovin, ou Al-Ghanam, d'accord? C'est-à-dire le bétail de troupeau, qui englobe Al-Dhan ou Al-Ma'ariz. Et le Ma'ariz et le Dhan, ce sont tout ce qui est ovin et caprin, c'est-à-dire tout ce qui est mouton et tout ce qui est chèvre, et ce qui y ressemble. Et le dalil, c'est dans justement un long hadith qui n'est pas cité ici, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a écrit à Abu Bakr al-Siddiq, ou plutôt que Abu Bakr al-Siddiq a écrit à Anas, dans lequel il cite les catégories de la zakat, les catégories des choses dont sont la zakat, qu'il a appris du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dedans, il cita justement les chameaux, ainsi que les ovins et les bovins. Naam. Thumma qala fi su'al 30 ba 900. Est-ce qu'il est obligatoire de sortir la zakat justement dans tout ce qui est or et argent, qui à la base sont des matières premières desquelles aujourd'hui qui ont pris la place, dont aujourd'hui l'argent, on dirait ce qu'on appelle la monnaie courante, a pris la place. Aujourd'hui les gens ne monnaient plus directement que de l'or et de l'argent, mais avec des monnaies courantes de chaque pays, comme l'euro, comme le dollar, comme le rial, comme le dinar, comme toutes ces choses-là. D'accord ? Le roupie, et ainsi de suite. Ça a pris la place de l'or et de l'argent. Mais leur valeur est basée là-dessus. Donc, le dalil qu'on sort justement dans Zakawat de l'or et de l'argent, c'est le hadith d'Abu Huraira. Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam qal Ma min sahib zahab wa la fidda la yu'adi minha haqqaha illa idha kana yawm al-qiyamati suhifat lahu safa'ih suffihat lahu safa'ih min nar. فأحمي عليها في النار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار رواه مسلم. Il a dit Nabi sallam qu'il n'y a pas une personne qui possède de l'argent ou de l'or et qui n'ordonne pas le droit, c'est-à-dire de la zakat, sans que le jour du jugement, après la mort, on ne sorte des plaques de fer qui seront chauffés à blanc dans le feu de l'enfer, qui seront placés sur ses flancs, ainsi que sur son front, ainsi que sur son dos. Et à chaque fois qu'elles se refroidiront, elles seront réchauffées à nouveau. Et cela dans un jour qui durera 50 000 ans. Jusqu'à ce que Allah Azzawajal définit de juger entre les serviteurs. Et ensuite, il verra sa destination, est-ce qu'il ira au feu ou au paradis. C'est-à-dire que ce châtiment-là, c'est dans le Balzar, avant qu'il y ait le jugement d'entrer au Jannah ou d'entrer au Nar. D'accord ? Et ce hadith-là prouve bien que délaisser la zakat n'est pas du kufr, car il dira qu'après, il verra sa destination. Est-ce qu'elle est au Jannah ? Est-ce que c'est le paradis ? Ou est-ce que c'est le feu ? ثم قال في سؤال الواحد وثلاثين بعد 900 931e question. كم نصاب الذهب والفضة ? Justement, quelle est la valeur à atteindre, la somme à atteindre, pour pouvoir justement sortir cette zakat pour celui qui possède de l'or ou de l'argent ? Donc le zahab, l'or, c'est 20 dinars, ce qui équivaut à 85 grammes d'or. Et le fidda, qui est l'argent, c'est 200 dirhams, ce qui équivaut à 595 grammes d'argent. فَقَالَ فِي السُّؤَلَ الثَّانِي وَثَلَثِينَ بَعْدَ 900 932e question. كَمْ مِقْدَارُ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. Donc maintenant la question c'est celle-là. Quel est le mikdar justement de ces choses-là? Mikdar, c'est la dose. On va dire. Donc c'est Rob al-Ushr. C'est-à-dire que ces choses-là, cet argent, combien tu calcules ce que tu sors? Tu sors le dixième du quart. Le dixième du quart. Ta somme que tu possèdes, tu la divises en 4. Et après, ce quart que tu as obtenu, tu le divises en 10. Et ce dixième que tu as obtenu, c'est ce que tu sors comme zakat. Et le dalil, c'est le hadith de Ali, radiallahu anhu, anna nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'allait, فإذا كانت لك 100 درهم وحال علي الحول ففيها 5 درهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا فإذا كان لك 20 دينارا فحال علي الحول ففيها نصف دينار فيما زاد فحساب ذلك روى أبو داود وراجح وقفه. Et le hadith donc qui se fait de Ali, qui à la réalité d'une parole de Ali, qui ne remonte pas directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit que si jamais tu as 200 dirhams et qu'une année passe pendant un an, tu les poses pendant un an, alors tu sors 5 dirhams de cette somme-là et tu n'as rien d'autre à donner. D'accord ? C'est-à-dire dans l'or. Et après, si jamais tu as 20 dinars, d'accord ? Tu as 20 dinars et que cette somme dure avec toi durant un an, alors tu en sors la moitié d'un dinar. Tu en sors la moitié d'un dinar. Et plus la somme grandit, plus tu passes ton calcul là-dessus. Et ce athar, cette parole de Ali ibn Abi Talib, on ne connaît pas de sahaba qui l'est contredit. Donc c'était pris comme un argument. Donc tout cela pour en résumer, on dit que tu sors le dixième du quart. Le dixième du quart de la somme que tu possèdes, qui reste avec toi pendant un an, en ta possession à toi. Thumma qala في السؤال الثالث والثلاثين بعد 933 question, ما هي الأشياء التي يشترط لزكاتها أن يحول عليها الحول? Quelles sont les choses pour lesquelles il est conditionné qu'elle soit en ton possession durant un an? Car ce n'est pas toute chose, comme cela va venir, qui doit durer un an avec toi. Par exemple, comme tout ce qui est les choses qui sortent de la terre, les conditions ne sont pas les mêmes. Donc là, il dit quelles sont les choses si jamais tu les as en ta possession durant un an, tu dois sortir la zakat. Il s'agit seulement des animaux cités auparavant, ainsi que l'or et l'argent. Ainsi que l'or et l'argent. Et ça, c'est ijma, unanimité des gens de science. Comme l'a rapporté l'imam al-Nawawi, rahmatullah ta'ala. Rabbi adal kanna ta'fi al-yom, wa alhamdulillah.